Micro ouvert. Trouver sur le net. Ce vendredi 13, Super Loto de 2 500 000 euros. Avec le scandale Volkswagen qui n'en finit plus, la réputation du secteur automobile n'est pas au mieux. En revanche, dans votre pop and co du jour, Rebecca Manzani, on constate que la voiture se porte bien en chanson. C'est bien simple. Dans les années 50 et 60, le répertoire du rock'n'roll, c'est quasiment le salon de l'auto. Oui. Des Beach Boys aux Beatles, le rock célèbre la bagnole, parce qu'à l'époque, c'est l'accessoire indispensable d'une créature qui impose ses codes, le jeune. Tu peux conduire ma voiture, chérie. Yes, I'm gonna be a star. Baby, you can drive my car. And baby, I love you. Tu peux conduire et je t'aimerais peut-être. Beep, beep, beep, beep, yeah. Et les Beatles chantent même le bruit du klaxon. Pour la jeunesse d'alors, la voiture, c'est la griserie de l'indépendance et de la vitesse. Même à l'arrêt, on peut faire des tas de trucs intéressants à l'intérieur. Ça donne la panne d'essence. Oui, oui. Duo de Frankie Jordan et de Sylvie Vartan. Mais je n'ai plus d'essence. Ça, je n'en crois rien. Nous sommes en avance. Ça t'arrange bien. Il faut rester là. Ma maman m'attend. Surtout ne t'en va pas. Tu es un chenapan. Boutoum, boutoum, boutoum. Allez, allez, allez, on. Poum, poutoum, poutoum, poutoum. Donc, hein, dans les années 50-60, le secteur auto est un modèle de réussite, si bien que ses modes de production pénètrent l'industrie du disque. À Détroit, temple de la voiture, Berry Gordy crée le label Motown, comme Motortown, dont je vous parle régulièrement ici. Gordy applique le Fordisme à la fabrication des disques avec des studios d'enregistrement qui turbinent 24 heures sur 24. Et pendant ce temps, dans la chanson française, Gainsbourg fait évoluer l'écriture en citant un modèle de Ford dans ses textes. Car la jeunesse française ne rêve pas de la déesse de papa, mais de Ford Mustang, trois syllabes qui deviennent onomatopées pour une chanson comme un polar. On se fait des lines en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes Mas à gauche. Kang. À droite et à gauche, à droite. Gainsbourg n'avait pas son permis, mais conduire une américaine dans les 60s, c'était la classe. Dans les années 70, les hippies choisissent plutôt des modèles teutons. Oui, comme le combi Volkswagen décoré de fleurs et de papillons. Janis Joplin, elle, dédie une chanson à la Mercedes-Benz. Elle y demande à Dieu lui-même de lui offrir une Merco. Avec ce disque, Joplin critique la société de consommation dont la bagnole est l'emblème. Et pour ça, elle choisit le dénuement, un blues a cappella avec le seul bruit de son talon pour rythmique. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz. That's it. L'automobile revient à l'honneur par le biais du gangsta rap, où les grosses bagnoles font partie de la panoplie bling-bling, avec bagues et chaînes en or qui brillent. Yo. La grosse cylindrée comme symbole de puissance et de provocation à l'attention des petits bourgeois du centre-ville. En 98, NTM et Lord Co-City signent Ma Benz avec un refrain qui fait... C'est moi qui dois le dire ? Oui. Laisse-moi zoom zoom zang dans ta Benz, Benz, Benz. Une sorte d'écho au poum poutoum poutoum de Frankie Jordan et Sylvie. Hein. Au 21e siècle, on parle d'émissions carbone et la voiture n'a plus la cote. Ainsi, l'une des meilleures chansons de ces 10 dernières années évoque un endroit où aucune voiture ne va. No Cars Go, des Canadiens Arcade Fire. No Cars, comme le slogan d'une victoire, précédé d'une exclamation. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président de la Commission, chers collègues, la négociation du traité de libre-échange avec les États-Unis sera évidemment un élément important du programme de travail de la Commission. Vous le savez toutes et tous, ce sont des choix de société qui sont en train d'être négociés en matière de services publics, en matière de protection des consommateurs, en matière de droits des investisseurs ou en matière d'OGM, de bœuf aux hormones, de protection des données personnelles. Or, cette négociation continue de se poursuivre en pleine opacité vis-à-vis des citoyens européens. Monsieur le vice-président, vous avez parlé de démocratie, vous avez parlé de communauté de valeurs. En quoi l'attitude de la Commission européenne et du Conseil qui interdisent aujourd'hui aux citoyens européens d'avoir accès ne serait-ce qu'au mandat de négociation permet de renforcer la démocratie? Vous le savez, ça renforce la perception des citoyens européens que l'Union européenne n'est qu'au service des firmes multinationales, se fait au détriment des intérêts des citoyens. Donc le groupe des Verts vous demande le fait d'avoir une négociation totalement transparente qui permette aux citoyens européens de savoir comment vous négociez leur choix de société. Merci. Gracias, señor Jadot. En nombre de los conservadores... Un citoyen, c'est autonome. Ça vote, il vote lui-même ses lois. Moi, je suis un simple électeur. C'est-à-dire, je suis hétéronome. Je subis la loi écrite par quelqu'un d'autre. Nous appeler citoyens, c'est nous payer de mots. On se la pète, mais on n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on fait dans cette démocratie? Dans cette prétendue démocratie, qu'est-ce qu'on a comme droit? On a le droit de désigner des maîtres politiques qui vont tout décider à notre place pendant 5 ans. On les désigne parmi des gens qu'on n'a même pas choisis. En plus, c'est les plus riches qui les choisissent. Et quand dans le cas éventuel où ils nous trahissent au dernier degré, on n'a pas le moindre moyen de résister. Alors c'est vrai qu'on a la liberté d'expression, mais absolument sans aucune force contraignante. C'est-à-dire qu'on a le droit de blablater, si ça n'a pas d'effet, on a le droit. Dès que ça change quelque chose, c'est un massacre. Et nous appelons ça démocratie. C'est notre faute. Nous devrions faire la grève de ces menteurs. Nous devrions refuser d'appeler démocratie ce qui est son strict contraire. Le pauvre, c'est 99%, hein. Puisque l'élection donne le pouvoir aux 1% des ultra-riches. Mais jusqu'à quand les pauvres, les 99%, vont-ils défendre l'élection comme si c'était une vache sacrée? Enfin, je veux dire, pour moi, il y a quelque chose d'indéfendable. L'école dite républicaine nous apprend que depuis qu'on est tout petit, que élection égale démocratie, démocratie égale élection. Alors, depuis que tout petit, on le croit. Et donc, il y a une période de désintoxication de ces mensonges de voleurs de pouvoir. Il faut arriver à remettre les mots à l'endroit. Nous ne sommes pas en démocratie. Et ce dont nous aurions besoin, c'est une démocratie avec du tirage au sort qui nous libérerait de ceux qui veulent le pouvoir. En librairie et qui donne envie de lire... une satire raciale dans un roman corrosif, un jeune afro-américain réintroduit l'esclavage chez lui et la ségrégation dans son quartier. Le titre du livre, c'est « Moi contre les États-Unis d'Amérique » de Paul Beattie. Lire Paul Beattie rend plus intelligent, affirme Seth Coulter Walls dans Le Guardian, un avis partagé par bon nombre de ses confrères critiques. Plume historique du New York Times, Dwight Garner confesse ainsi que le premier tiers du dernier livre de Beattie est ce qu'il a lu de plus caustique et de plus irrévérencieux dans un roman américain depuis au moins une décennie. Presque toute la culture noire américaine et ses stéréotypes sont éreintés, note-t-il. L'intrigue est difficile à décrire. Il arrive tant de choses que tenter d'en rendre compte, c'est comme essayer de faire entrer un citronnier dans un verre à vodka. Dès le début de ce roman, son jeune héros, afro-américain, est traîné devant la Cour suprême. Son crime, avoir réintroduit l'esclavage chez lui et la ségrégation dans son quartier de Los Angeles, en pleine ère Obama. Presque chaque chapitre est l'occasion de rencontrer un personnage secondaire, merveilleusement brossé. Juge dans le Los Angeles Times, Keith Lemon, pour qui « Moi contre les États-Unis d'Amérique » compte tout simplement parmi les romans les plus importants et difficiles du XXIe siècle. Ils sont pas là, papa et maman? Non, ils sont dans la cuisine, je crois. Voilà, les spaghettis sont en route, c'est incroyable, je comprends pas ce qui a bien pu se passer. Qu'est-ce que c'est que cette marmite, Olivier? C'est une marmite de riz complet. On en a assez des repas pourris que vous nous faites bouffer depuis des années. Alors, à partir de maintenant, dès qu'on verra un aliment malsain dans cette maison, on le jettera à la poubelle. Mais vous êtes complètement fous, c'est vous qui avez volé le repas? Mais on l'a pas volé, on l'a jeté à la poubelle. Vous avez jeté le repas à la poubelle? On a jeté le foie gras, parce que c'est le foie malade et toxique d'un animal qu'on a torturé. On a jeté la côte de bœuf, parce que les bœufs, ils sont piqués aux antibiotiques et aux hormones, et qu'ils mangent que des pilules chimiques. On a jeté tous les alcools, parce qu'on supporte plus les fins de repas où tout le monde dit des âneries, dit les conducteurs avec les yeux pas en face des trous. On a acheté le gâteau parce qu'il contient que des sucres, des graisses et des microbes, une vraie usine à caries. Si vous voulez mourir à 50 ans de sclérose en plaques, de cancer ou de crise cardiaque, c'est votre problème. Mais nous, on mangera plus comme ça parce qu'on veut pas vivre comme des bêtes malades. On veut vivre longtemps et en bonne santé. Mais vous êtes complètement, complètement fous. Olivier, mon petit garçon, essaie de réfléchir 5 minutes. Je suis député dans un département agricole. Est-ce que tu peux imaginer ce qui se passerait si la presse de droite apprenait que chez moi on jette le bœuf, le foie gras et le vin à la poubelle? Mais qu'est-ce qui t'intéresse dans le fait d'être député? Le fait de faire des choses utiles pour les gens ou le fait d'être dans le fromage et d'en profiter? Olivier, fais attention à ce que tu dis. Mais regarde ce que t'es devenu. Tu t'intéresses plus à ce que pense la presse de droite qu'à la santé de tes propres enfants. Ah oui? Et si je ne suis pas réélu? Mais qu'est-ce qu'on en a à fiche que tu sois pas réélu? Tu vois pas comment la terre est en train de devenir une poubelle? Tu vois pas comment les gens sont malades de plus en plus jeunes? Non, tu t'en fous. Tout ce qui compte, que tu sois réélu. Tu es un idéaliste, c'est très bien. Mais il y a des réalités économiques derrière la pollution. Il y a des éleveurs, il y a la concurrence. Et alors? Faudrait tous qu'on s'intoxique pour que les éleveurs puissent continuer à faire du fric sur le dos de la santé des gens et surtout qu'ils continuent à voter pour toi. Mais qu'ils crèvent les éleveurs et leur viande pourrie, ben qu'ils se la gardent. Et si demain les gens comprennent que la viande c'est mauvais, qu'ils arrêtent d'en acheter, et ben les éleveurs ils arrêteront d'élever, ils cultiveront des céréales à la place. Et si toi t'es pas réélu, et ben peut-être que tu commenceras à t'intéresser à ce qui est bon pour les gens et pas seulement à ce qui est bon pour toi. Je suis désolée pour tout ça, excusez-nous. Bien, Olivier, je crois que nous avons tous beaucoup apprécié ta petite sortie écologiste, mais maintenant nous aimerions bien passer à table, n'est-ce pas? Ah non, parce que je viens de jeter les spaghettis à la poubelle. Sarah, tu montes dans ta chambre immédiatement. Je t'emmerde, vieux con. Sarah, je t'ordonne de faire des excuses à ton père. Des excuses, mon cul. Ça suffit maintenant, dans vos chambres, tous les deux. Bah, d'abord, je suis né dans paysan de nature. J'ai toujours été dans une ferme la campagne qui était quand même il y a 56 ans quand même un peu différente d'aujourd'hui. J'ai évolué dans une ferme familiale et dès l'adolescence j'avais choisi d'être paysan. Alors pas du tout pour ce que je fais aujourd'hui forcément, c'était plutôt les fleurs, les légumes. Voilà, aujourd'hui on fait des vaches laitières, des céréales. Voilà, donc le choix de l'agriculture biologique depuis plus de 30 ans est dû au fait que j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens dans ma jeunesse sensibles à l'environnement et sensibles à la qualité des produits qu'on mangeait et sensibles aussi aux pollutions dues aux produits chimiques. Donc, qui fait que j'ai eu cette chance de démarrer très vite dans ma carrière professionnelle sur ces sensibilités-là. D'autre part, j'étais aussi sensibilisé sur beaucoup d'éléments tels que l'identité bretonne, ce que ça représentait pour un individu, l'écologie, enfin tout ce qui fait un être humain pour moi, tout ce qui fait la matière d'un être humain. Donc il fait que moi, j'ai commencé à militer à 16 ans et je me suis présenté aux premières élections à 22 ans et je l'ai fait pendant 35 ans. Voilà, donc voilà ce qui fait un peu mon parcours rapide en 30 secondes. Mais on a le temps, hein, tu sais, ça, on a vraiment le temps. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous situer sur la carte du monde, là? On est où? Oh, t'as donné un petit signe quand même en disant que tu défendais la cause bretonne. Attention, là, on a un breton. Je ne défends pas forcément la cause bretonne telle qu'on la parle, mais d'abord, je suis paysan à Sarzeau, qui est dans le Morbihan, Sud-Morbihan, entre le golfe du Morbihan et l'océan, dans une presqu'île qui s'appelle la presqu'île de Ruisse. Où on a oublié l'être humain, on a oublié l'espace, le devenir de l'espace rural, au profit de tout ce qui était habitation, construction et habitation secondaire. Donc il fait que je me suis vite retrouvé dans un terrain favorable pour être militant ou bien être promoteur, quoi. J'ai choisi d'être paysan et pas promoteur. Donc il fait que, effectivement... Je ne parlerai pas de cause bretonne, c'est de tout ce qui fait la Bretagne, qu'on soit né en Bretagne ou pas. C'est pas moi, je ne cherche pas à savoir où sont nés les gens. Ce qui m'intéresse, c'est quand on vit dans un pays, c'est de s'enrichir de tout ce qui fait la richesse de ce pays et la culture. En fait partie, la langue, bien sûr, en Bretagne, mais tout ce qui fait la grande richesse qu'on a en Bretagne. Et que je suis très content de défendre, c'est pas de vivre plutôt, c'est plutôt le mythe de vivre mon métier de paysan dans ce contexte, et puis essayer de faire les choses bien, essayer de vraiment d'apporter ma touche dans l'évolution de la campagne, parce que quoi qu'on dise, c'est quand même bien le paysan dans le temps, parce que c'était quand même 80% des gens étaient du milieu paysan, la population. Aujourd'hui, on doit être moins de 5%, donc qui fait qu'on ne parle plus des mêmes choses et on bafoue toutes les richesses qu'on avait. Et donc, moi, je me porte un peu garant d'un équilibre entre les paysans et le reste de la société, la richesse qu'on peut produire, la qualité de nos produits, la qualité de nos relations avec les autres. Parce que même si on fait un bon produit, si on n'a pas de relation avec la population, ce n'est pas intéressant. Donc, qui fait que nous, sur la ferme, on a choisi vraiment cette relationnelle. Et donc, tu es paysan, ton papa était paysan, ta maman aussi, c'est ça que je comprends aussi, alors, c'est ça. Je suis né dedans, quoi. Mes parents étaient paysans, mes grands-parents étaient paysans, mes arrière-grands-parents étaient paysans. Et il se trouve que j'étais pas à Sarzeau avant. Et je suis de retour, un peu du fait du hasard, dans la ferme de mes arrière-grands-parents. J'ai compris aussi la richesse de cette personne que je n'ai pas connue, malheureusement. Mais par rapport à ce qu'il avait fait à ce moment-là, par rapport à la dynamique qu'il avait à ce moment-là, qui a été perdue après, pendant une génération, par le successeur. Mais on retrouve ça et aujourd'hui, je suis content de voir... pas à la fin de ma carrière, mais avec un bon bout de fait... je suis content de voir que mes enfants s'y intéressent plus que grandement, et pas que mes enfants, aussi toute une population autour qui se disent il bosse beaucoup, mais il a l'air heureux, donc j'ai donné le goût à pas mal de gens d'être paysans aujourd'hui. Ça fait quand même plusieurs personnes que j'aide à l'installation, et du coup, en leur disant bien attention, c'est pas un métier où on... je travaille pas aujourd'hui, ou on verra demain. Il y a des moments, bien sûr, il faut savoir prendre du temps, mais il y a des moments où il faut savoir aussi, c'est le moment de travailler, parce que la saison est là. Donc c'est vraiment, j'ai toujours été dedans, mais je n'ai pas perdu pour autant les autres. J'ai été militant paysan pendant une quinzaine d'années, quand je dis militant, engagé. Après, je suis toujours militant, mais ce n'est pas pareil. Quand on fait la route la nuit pour les réunions, et puis que... Et le jour, il faut faire son travail, c'est des fois un peu fatigant. J'ai voulu le porter au niveau politique aussi, puisque... C'était militant pour quelle cause ? Toujours la cause du paysan, mais dans le sens noble du terme, c'est-à-dire ce qui fait la richesse d'un paysan, qui respecte la nature, qui respecte les gens, qui respecte soi-même, qui se respecte lui aussi, en faisant des productions de qualité, en n'essayant pas de bouffer l'autre quand il arrête ou quand il est en faillite. Parce que, en fait, dans le problème de l'agriculture, aujourd'hui, on le voit bien dans les actualités. Moi, j'ai décidé de ne plus regarder les actualités. Il faut que c'est les copains qui me le disent. On a perdu tous nos paysans. Et aujourd'hui, ceux qui restent, ils se plaignent encore qu'ils n'arrivent pas à vivre. Alors qu'ils ont des grosses entreprises, souvent, et avec plein de vaches ou plein de cochons ou plein de ceci, plein de cela. Et hormis les céréaliers qui tirent toujours leur épingle du jeu très souvent, les autres, en Bretagne, c'est très difficile. Quoi. Donc, et pourtant, on a fait disparaître, c'est même pas les trois quarts, c'est 90% des paysans. Donc vraiment, militant paysan, c'est vraiment faire reconnaître son métier. Et aussi être attentif au statut de chacun. Nous, sur la ferme, tout le monde a toujours eu un statut d'associé, et non de conjoint ou de conjoint collaborateur, ou vraiment depuis tout le temps. Donc c'était vraiment un choix dès le départ d'un statut identique à tout le monde, de façon que tout le monde soit traité de la même manière sur l'exploitation. Et militant paysan, c'est pas forcément d'aller casser la préfecture ou les magasins et supermarchés, même si supermarchés, on en pense que non. Moi, j'en pense pas du bien, mais loin de là. Mais pourquoi pas non plus aller casser pourquoi tu prends cet exemple-là Bon, parce que c'est souvent comme ça qu'est pris le monde paysan. Le monde paysan, ils cassent quand ils sont en colère ou que ça ne va pas, ils vont casser la préfecture ou la supermarché ou dans les rues. Moi, je n'ai jamais participé à ce genre de mouvement. J'ai participé à des manifs, oui. J'ai été jusqu'à Paris en tracteur, il n'y a pas de souci, mais avec des causes sur la gestion de la production en agriculture, c'est-à-dire faire attention de ne pas toujours grossir, parce qu'on sait bien que les fermes, quand elles grossissent, elles perdent le côté humain. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, on a perdu tout le côté humain de ce qu'était le paysan. D'ailleurs, on ne parle plus de paysan, on parle d'agriculteur ou d'exploitant agricole. On n'est plus dans la notion de la relation de la personne avec la nature, avec son pays et tout. Non, aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a qu'à voir la taille des tracteurs. Si vous les croisez un, ils font peur, il va vous écraser parce qu'il ne va pas se ralentir parce que vous arrivez en voiture ou en vélo. Donc ça montre bien que on est dans une évolution qui est assez inquiétante, enfin même qui n'est même pas assez inquiétante, qui est très inquiétante de ce qui est devenu le monde agricole, plutôt que paysan d'ailleurs. Heureusement, il y a encore des gens. Heureusement qu'on, et plus le monde va comme ça, plus il y a des candidats à l'installation, justement, sur des normes, ce qu'on appelle hors normes souvent, ce qui est incroyable d'ailleurs, sur des projets beaucoup plus petits, voire très petits. Et qui s'en sortent, et sur des critères complètement différents. Et aujourd'hui, notamment dans notre région, il y a beaucoup de projets de maraîchage bio, de petits fruits, depuis dernièrement, deux ou trois personnes sur des fruitiers, alors des pommiers, sur des petites choses, souvent, et des petites transformations. Très souvent, alors qu'on n'avait pas ça ici depuis longtemps. Quoi. Donc ça montre qu'il y a un intérêt grandissant, et puis de la population aussi, qui devient plus sensible qu'avant sur la qualité des produits, même si je déplore complètement le peu de gens encore motivés pour acheter de la qualité de produits. Et tout. Là, c'est ce qui ferait aussi... Donc voilà, mi-temps paysan, c'est un tout, c'est d'aider à l'installation. Quand une ferme arrête, c'est pas de reprendre les terres nous-mêmes, mais bien d'installer quelqu'un à la place. Faire en sorte qu'il y ait un candidat qui puisse s'installer sur cette ferme plutôt que de encore la prendre pour agrandir. Donc ça, c'est aussi une notion que très souvent les gens n'ont plus, qu'il y avait avant, hein, qu'ils n'ont plus. Parce qu'on a dévalorisé le métier de paysan, on a dévalorisé ce qu'était notre richesse. Et en plus, on a su construire le grossissement des fermes. Et on a perdu l'humain. Voilà. Et pourtant, tu as trois enfants, deux garçons et une fille, si j'ai compris. Et en plus, il y en a un de la bande qui reprend la ferme. Quoi. Avec tout ce que tu racontes, qui est... Ok, tu es militant paysan, mais c'est vrai que toutes ces grosses industries agricultrices, là, d'agriculteurs, comment ça se fait ? T'as bien passé le relais à ton gamin, quoi, quelque part. À vrai dire, je n'ai pas passé le relais pour le moment, puisqu'ils se sont associés. Hein, les deux jeunes, mon fils et Michele, qui est italien, qui ne connaissait rien à l'agriculture production. Il connaissait l'agriculture par sa formation environnement, mais sur la production, il est arrivé il y a un peu plus de 3 ans, il ne connaissait aucune tâche de la ferme. Aujourd'hui, il est associé depuis l'année dernière, parce que justement, il a trouvé dans cette ferme une dynamique intéressante, où l'humain avait sa place, il y a des débats, hein, des fois un peu houleux, comme dans tout groupe et collectif. Mais sur des choix, ils ont fait leur choix. Et pour le moment, ce n'est pas la relève. C'est vraiment un projet collectif. Bien sûr, il faudra un jour me relever, mais on n'en est pas là. On en est vraiment sur un projet en groupe, à 4 associés, la relève n'est pas là. Les investissements sont pris en charge par tous les associés, qu'on soit là depuis longtemps ou pas. Donc, Non, je crois qu'ils ont été motivés par tous les deux avec un cursus d'ingénieur, donc avec quand même un niveau scolarité importante, et se sont aperçus que leur travail se cantonnerait à travailler devant un ordinateur, dans des bureaux, pas beaucoup sur le terrain. Donc ils se sont dit, mais non, mais c'est pas ça qu'on veut. Donc, bon, pour mon fils, c'était plus facile, parce qu'il connaissait, l'alternatif. Il connaissait bien l'alternative par rapport à ça. Mais Michele ne la connaissait pas. Et la première fois qu'il est venu en séjour en Bretagne, c'était en, je sais plus, il y a 6 ou 7 ans, il a compris que ce que était la Bretagne déjà, parce qu'il n'est jamais reparti vraiment. Et son frère est là depuis l'année dernière aussi, donc ça montre que, on part à récupérer tous les Italiens, c'est pas ça, c'est, ça montre que quand il y a une terre d'accueil, quand il y a des dynamiques, eh ben, les jeunes ils sont sensibles et puis ils s'aperçoivent que eh ben, travailler peut-être un peu plus d'heures, mais avoir une autre notion du temps, une autre notion de, du travail, eh ben, c'est quand même une richesse, un développement intellectuel, personnel important. Parce que c'est sûr, si c'est juste pour travailler et pas développer des nouveaux projets ou des ou même des développements personnels, hein, je ne parle pas que du travail, hein, des projets personnels, eh ben, la ferme permet ce genre d'accéder à ce genre de choses. D'une part, on a les lieux où on peut aussi créer des choses et puis d'être dans carrément un autre style de vie. On n'est pas à prendre la voiture, faire plein de kilomètres le matin pour aller au travail. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, ils ont décidé d'habiter en yourte et mobilhome auprès de la ferme pour justement avoir à pouvoir profiter de cet avantage d'être paysan et vivre avec le rythme des saisons aussi. Apprendre l'hiver, on travaille moins, et puis l'été, on travaille un peu plus. Et accepter certaines choses qu'on n'accepte pas si on doit faire des kilomètres. Faut travailler le week-end, c'est qu'on travaille le week-end. Si on n'a pas d'autres compensations, effectivement, chez la nouvelle génération, qui est contrairement à la mienne, qui était habitué beaucoup plus à travailler un peu tout le temps, une nouvelle génération, et c'est bien normal, aspire aussi à rester, à pouvoir faire autre chose, pouvoir profiter d'autres choses, ce qui est bien. Ça permet aussi d'avoir une autre relation avec le travail, et moi, ça me permet de rester jeune aussi, parce que on se confronte avec la nouvelle génération qui fait que y a des nouvelles idées, il y a des nouvelles rencontres, il y a cette folie qu'on est quand on est jeune. Bon, déjà qu'on est plus vieux, on en a déjà, mais quand on est jeune. Donc ça permet vraiment un échange. Donc pour le moment, on n'est pas dans la relève. Non, on est vraiment dans la continuité de ce qu'il y a déjà, évidemment, parce qu'il faut aussi perdurer déjà ce qui existe, mais aussi dans des évolutions qui vont avoir lieu dans les années à venir. Donc c'est intéressant. Et puis la relève, se fera. S'ils veulent la faire eux-mêmes, ils la feront. Ce serait dommage qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre à me relever, quoi. Mais de toute façon, c'est comme ça, la vie. De toute façon, tu as des enfants et c'est quand même assez chouette qu'il y ait... Tu pourrais avoir des enfants qui sont à l'opposé de ton militantisme, de ta paysannerie. Tu vois, tu pourrais vraiment... Donc ça, c'est quand même assez chouette. La relève, elle est quelque part, entre guillemets, déjà là. Tu vois, t'as quand même des enfants. Mais moi, je me posais la question, parce qu'on s'est rencontrés quand même dans ce cadre-là, l'habitat léger, éphémère ou mobile. C'est quoi le lien, en fait, toi parce que tu expliquais, oui, tes enfants, ou en tout cas, un des trois, vit en yourte, pas les trois. Tu peux un petit peu préciser ça, l'habitation ? C'est-à-dire que mes deux premiers enfants, mes deux fils, ont fait des études, ont voyagé pas mal. Il se trouve que ils ont compris que d'avoir un lieu où se ressourcer, c'était important aussi, même quand on voyage. Et à voyager, ils se sont aperçus qu'il y avait des belles choses à développer aussi chez nous, donc sur la ferme et dans leur pays. Avec les potes aussi, parce qu'il y a quand même des potes qui sont là, y a plusieurs potes autour d'eux qui font la même, le même retour, hein, pour différentes raisons. Et des choix de rester au pays, même s'ils naviguent sur la mer, même s'ils vont voyager. Et ma fille, pareil, elle a fait ses études d'ostéopathie. Et du coup, elle se dit, moi, je suis bien ici dans mon pays. Et ça n'empêche pas de voyager, au contraire. Hein. Mais, et tous les trois, ils ne se voyaient pas être dans un appart, un appartement comme ça, ou dans le bourg, ou je ne sais pas où. Donc, ils ont choisi, effectivement, bon, ils avaient la possibilité sur la ferme de le faire, ils ont choisi d'être en yourte ou en mobilhome. Pour le moment, ce ne sera pas forcément en mobilhome tout le temps, mais pour le moment, c'est ça. Et qui leur permet de ne pas être dans le système dépensier de la construction, pas se prendre non plus la tête, comme on dit, rester assez, je sais pas comment on dit, mais assez tranquille, hein, pas être là le matin à se lever, je vais faire comment pour rembourser mon emprunt de la maison, ou je fais comment pour payer mon loyer. C'est vrai que le fait d'être en habitat léger, le coût de l'habitation est quand même très peu élevé par rapport à un coût classique, même moyen d'une habitation, quoi. Voilà. Oui, oui, ça c'est évident, oui, d'accord. Mais et alors la commune ici, il n'y a pas de problème, le maire n'ennuie pas, ne fait pas chier, comme on dit. Bah, disons que moi j'ai une relation publique locale qui est très importante, parce que j'ai quand même été candidat 35 ans aux élections, donc qui fait que j'ai appris à connaître la population locale, que je n'aurais sûrement pas connue aussi bien si je n'avais pas été candidat. J'ai fait plusieurs élections, et entre autres aussi municipales. Après, j'ai été élu deux mandats, et qui fait que ça permet de... D'ailleurs, je conseille à tout le monde d'être au moins élu à un mandat, comme ça, ils comprendraient un petit peu mieux, à condition de s'y investir un peu. Et du coup, j'ai appris aussi que pour défendre des projets au niveau locaux, il fallait aussi être obligé, à un moment donné, ça passait par soi-même, évidemment, mais ça passait aussi par la rencontre avec les autres élus, avec la population, de toute manière. Donc faire avancer des idées, que ce soit sur l'habitat ou sur bien d'autres choses, au niveau culturel ou au niveau métier, ou à tous les niveaux, je pense qu'on a vraiment besoin de s'en confronter aux autres. Et on sait très bien que dans des secteurs touristiques comme nous, c'est un petit peu difficile parce que il y a beaucoup d'apports extérieurs, mais il y a aussi beaucoup d'argent qui arrive dans la presqu'île. Si bien qu'il y a des gens qui ont perdu la tête avec l'argent. Hein. Ils ont préféré vendre leur terre et leur maison plutôt que d'essayer de construire des projets. Parce que l'argent facile, l'argent tout de suite. Moi, j'ai appris ça dans ma vie, que l'argent tout de suite, c'était pas intéressant. On pouvait perdre la tête facilement, on pouvait ne plus être soi-même. Et justement, que ce soit le maire de Sarzeau ou les élus locaux qui me connaissent, ils savent très bien que mes engagements sont permanents. Du coup, j'ai une place un peu privilégiée à ce niveau-là, ce qui a été ma difficulté pendant des années, ce qui fait aujourd'hui, je dirais, presque mon bonheur, parce que ça s'est retourné plutôt en la faveur de ce que je défends. Je ne suis pas le seul, hein, évidemment, mais on n'est quand même pas nombreux dans le pays à défendre ces notions-là. J'ai redonné espoir à qu'il y ait de l'agriculture dans la presqu'île, alors que tout le monde l'a bafoué depuis au moins deux générations. Tout ça pour vendre les terres, et je crois, ou bien laisser en friche dans les secteurs qui ne sont pas urbanisables. Et donc, aujourd'hui, les élus, ils sont en quête de savoir quoi faire, parce qu'effectivement, c'est devenu un vrai problème, que ce soit l'habitat, qui est un vrai problème dans des régions comme nous, mais partout. Mais chez nous, c'est largement autant qu'en ville, parce que le prix du foncier est devenu énorme. Et même quelqu'un qui travaille, en parlant pas de ceux qui ne travaillent pas, mais même ceux qui travaillent ne peuvent des fois pas accéder au logement, et ne parlons pas d'être propriétaire, déjà au logement locatif. Donc ça montre quand même qu'il y a du chemin à faire. Et les élus aujourd'hui s'aperçoivent qu'il y a du boulot si on veut pas que la population active disparaisse. Parce que dans des zones comme la Presqu'île, Ben, les gens qui travaillent, ils vont habiter à 20 bornes, 30 bornes, 30, 40 kilomètres, parce que c'est moins cher. Mais après, ils ont tous leurs déplacements, la croix et la bannière pour une vie de famille, les enfants. Et donc, aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Alors, effectivement, par rapport à l'habitat léger, qui est encore une autre problématique de ce qu'est une commune, d'accueillir tous les gens qui sont les gens du voyage aussi, parce que la commune de Sarzeau a quand même bien œuvré là-dessus, même si ce n'est pas suffisant. Il faut qu'ils prennent en compte effectivement tous les moyens d'habitation, de façon qu'il y a un vrai projet qui s'établisse à long terme, quoi. Et moi, je suis prêt à... J'étais déjà prédisposé à en discuter et à faire un travail là-dessus, et d'accueillir... une quinzaine de personnes en habitat léger sur la ferme, eh ben c'est qu'une suite logique par rapport à l'évolution de la ferme et à mes engagements personnels de toute manière. Voilà. Donc ici, dans le patelin, rappelle le nom du patelin ici ? Sarzeau, donc 8500 habitants, même si le maire nous dit ouais, ça va mieux pour les résidences, il y a plus de résidences principales qui se construisent que de secondaires. Dans la presqu'île, il y a plus de 70% des résidences qui sont des résidences secondaires. Donc il reste 30% pour l'habitat principal, et encore, je pense que je dois être même un peu gentil. Donc ça montre qu'il y a une vraie problématique. Il y a vraiment un déséquilibre total entre l'habitat secondaire et l'habitat principal. Et avec ce qu'on connaît comme conséquence, c'est la spéculation foncière énorme. Même si ça a un peu calmé depuis la crise de 2007, mais on en est loin des prix normaux, à savoir que la population active gagne moins que la population en retraite. Le salaire médian est plus faible. Donc ça montre que les gens en activité, ne peuvent pas se permettre ce que quelqu'un en retraite aujourd'hui peut se payer à Sarzeau. Donc qui font que les gens qui viennent en retraite ici, qui construisent ou qui achètent, peuvent se permettre de mettre une somme beaucoup plus importante dans l'habitat. Mais quoi, j'ai bien compris, tu me dis qu'il y a 60% de maisons ici qui sont secondaires. 70. Mais c'est dingue ça. Avec deux communes où ils dépassent les 90%, qui sont le bout de la presqu'île, Arzon et Sagida, sont à plus de 90% de résidences secondaires. Ça montre un peu Là, c'est carrément un déséquilibre total. Ouais. Donc, qui fait. Et avec. En plus, un espace rural complètement délaissé, à l'abandon, en friche. Vraiment un développement complètement de villes fantômes. Ça devient des espèces de villages ou de villes fantômes où il ne se passe rien, hormis l'été, évidemment, deux mois de l'année. Quoi. Et heureusement, il y a encore des gens qui sont en activité et qui bougent, mais ça montre un gros déséquilibre. Et le peu de place... les gens, d'ailleurs les écoles ont beaucoup de mal à tenir leur effectif. Il y en a une à Sarzeau qui est fermée, il y a encore une classe qui va fermer à la rentrée. Ça montre aussi la grosse problématique que les élus vont avoir à prendre en compte si toutefois ils ont envie de la prendre en compte, quoi. C'est entre le discours et l'engagement, on est dans des urgences, quoi. Et là ça montre aussi que le développement touristique n'apporte pas que du bienfait, quoi. On a fait miroiter la poule aux œufs d'or avec le tourisme. Mais aujourd'hui, s'il n'est pas géré d'une manière autre que celle-là, bah, c'est presque l'enterrement de plein de professions. Parce que le tourisme, il apporte des boulots saisonniers, souvent pas très bien payés, et pas de contrat à l'année. Donc les gens qui trouvent du boulot 7-8 mois, c'est déjà bien. Et le restant, ben, débrouillez-vous, quoi. Donc c'est bien sûr qu'il y en a qui savent en tirer profit, comme tout le monde, mais comme dans chaque corps de métier. Mais pour plein de gens, c'est une situation précaire pour accéder au logement, d'où l'intérêt de prendre en compte effectivement toute cette problématique d'habitat léger qui peut répondre aussi... pour les gens qui font ce choix-là, parce que c'est important de le dire aussi, que le choix des gens est important. Hein, on a le droit d'habiter autrement que dans une maison avec des volets roulants et compagnie. Et puis, il y a aussi toute la catégorie de gens qui, par une période de leur vie, de séparation, de plein de raisons de vie privée, qui, plus de boulot, et peuvent se retrouver en situation plus que précaire, à ne pas pouvoir payer leur loyer et tout. Donc, effectivement, tout le monde ne va pas parler, quoi. Il y a des gens, et ils vont peut-être aller voir les services sociaux, mais il y a plein de gens qui ne vont pas aller les voir. Donc, qui fait qu'on a vraiment besoin de prendre ça en compte, quoi. Oui, tu veux dire que c'est une bonne chose aussi que les gens n'aillent pas forcément voir les services sociaux, quoi. C'est ça, c'est comme se prendre en main et inventer sa propre vie à sa manière, quoi. Ben, je crois que c'est important que... Enfin, moi, je trouve ça bien quand les gens ne vont pas tout de suite forcément voir les services sociaux. Après, ça dépend de la capacité de chaque personne aussi. Il y a des gens qui sont capables de faire face à des situations assez difficiles. Et il y a d'autres gens aussi qui, heureusement qu'il y a des services sociaux pour les accompagner, ces personnes-là, parce qu'autrement, ils sont perdus. Donc, moi, je n'ai pas envie de l'assistanat, mais il n'empêche que... Il y a besoin de services sociaux pour répondre à des gens qui sont dans des grandes difficultés de détresse, j'en connais, de grandes détresses, et ça, heureusement qu'il y a des gens pour les accompagner, parce que autrement ce serait le suicide ou quelque chose dans le genre. Donc, et ça arrive malheureusement. Mais, donc je pense qu'effectivement... Et je pense que c'est important pour la dignité des gens de pouvoir être eux-mêmes, donc de vivre ce qu'ils ont envie. Mais on a tellement appris aux gens qu'ils n'avaient pas le droit de vivre comme ils avaient envie. Et ben du coup, beaucoup de gens sont perdus. Parce que quand ils font quelque chose, on dit « Mais t'as vu cette nullité-là, mais qu'est-ce que tu fais là ?» On est toujours dans des donneurs de leçons, alors que chaque personne a le droit de vivre sa vie comme elle a envie. À partir du moment où il ne vit pas à l'autre, on n'a pas à juger des choix de chacun sur sa vie. Et malheureusement, notre société a tout établi sur des cadres. On est beaucoup trop cadré aujourd'hui dans notre fonctionnement individuel. Non, on ne devrait pas cadrer les gens comme ça au niveau fonctionnement individuel. On cadre les choses dans un collectif, dans façon que le collectif perdure, mais individuellement, les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas, à partir du moment où ils respectent autrui, évidemment, pas non plus. Mais moi, ça ne me gêne pas que les gens ils vivent comme ils ont envie. Il y en a qui habitent sur un bateau, il y en a qui habitent en roulotte, d'autres habitent en yourte, mais il n'y a pas que ça. Il y a des gens qui habitent dans une maison et qui vivent des vies que moi j'ai pas du tout envie de vivre, mais c'est leur choix. Moi je les embête pas et ça m'intéresse pas, mais voilà, ils ont le droit de vivre cette vie comme ils ont envie. On n'a pas à juger. Moi ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est de côtoyer les gens qui ont envie de bouger, qui ont envie de construire des choses, qui ont envie de construire l'avenir, qui ont envie de construire, mais pas en faisant disparaître son voisin. Au contraire, en allant le voir, il dit bah voilà, tiens, on pourrait faire ça ensemble. Ce serait quand même mieux que de te voir partir avant l'heure. Moi, je suis plus sur cette dynamique de fédérer les énergies, faire en sorte que la vie soit plus facile demain, qu'on puisse effectivement profiter de certaines choses autres que le boulot, même si moi j'ai travaillé beaucoup. J'ai toujours été persuadé qu'il n'y a pas que le boulot. Et moi, quand je travaille trop la journée, ça ne m'empêche pas de faire des choses le soir, aller au cinéma, aller en concert, et aussi d'organiser. Parce que nous, à la ferme, depuis des années, on organise des soirées-concerts, différents styles. Je permets à des associations de jeunes de faire des fêtes électro dans les champs. On n'a même pas besoin d'écrire, on se fixe un cadre entre nous. On ne l'écrit même pas et tout se passe bien. Et j'ai grande confiance à ces associations de jeunes parce qu'ils sont déjà méritants de faire quelque chose. Et en plus, ils sont très responsables de leurs actes et tout, contrairement à ce qu'on pourrait entendre des fois, de cataloguer les jeunes, c'est tous les délinquants, et les vieux, c'est tous des gens bien, quoi. Alors qu'il y a aussi des vieux délinquants, quoi. Donc, et voilà. Donc, je pense que sur des projets paysans, entre autres, mais aussi très culturels, nous, on a accompagné ça au niveau de la ferme, parce que justement, Alors là, ça fait quand même des années que je suis sensible à ça, à l'intermittence. Mon fils, mon deuxième fils étant lui-même intermittent, mais aussi par tous les copains et copines que j'ai connus à différentes occasions. Et justement, de créer un lieu vivant où il se passe plein de choses. Évidemment, ben, pour le moment, on est un peu limité vu les emplacements, puisqu'on est sur des hangars. Donc, après, le grand hangar, il sert pour le foin et la paille. Donc, ben, après, c'est mort. Et puis après, le petit hangar. Puis l'hiver, ben, c'est dur de faire quelque chose sur quelque chose un petit peu exposé au froid, quoi. Il y a au froid et au vent, quoi. Mais les projets avancent, les gens en parlent et j'espère un jour pouvoir aboutir sur peut-être quelque chose d'un petit peu plus construit pour l'hiver. Pour l'été, il n'y a pas de souci, c'est très bien comme ça. Il faut aussi garder le côté simple, le côté, je dirais, où il n'y a pas de grandes constructions, mais il y a des belles choses qui se font. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir forcément la plus belle salle, c'est de la faire vivre, cette salle. Donc, des fois, un hangar, il vit mieux qu'une salle culturelle. Nous, on fait une programmation tout l'été, tous les mardis. On ne demande aucune subvention, on se débrouille nous-mêmes. Et on paye tous les intermittents. Et puis, on espère même pouvoir les payer encore mieux après. Bien sûr, faut que tout le monde... c'est un équilibre, donc... On leur dit, bah, si on peut faire plus, on fait plus. Mais on s'engage sur des sommes minima pour ces concerts et tout. Et du coup, les gens s'y retrouvent. Et c'est même les intermittents qui demandent à venir. Donc, voilà. Donc on est aussi sur des dynamiques culturelles sur la ferme qui sont intéressantes parce que qui sont un développement personnel aussi et collectif, mais aussi un développement économique, même pour ceux qui aiment bien parler de ça. Puisque c'est une dynamique économique d'accueillir du culturel, ça peut faire vivre plusieurs personnes. On n'assure pas un salaire à l'année à tout le monde, mais des cachets pour les intermittents, des embauches saisonnières sur ces sujets-là. Bah c'est toujours des jeunes qui cherchent du boulot pour l'été et tout, et ils sont très contents de venir pour ce genre de choses, travailler à la ferme. Donc, et on espère pouvoir développer ça à l'avenir d'une manière peut-être un peu plus régulière. Mais bon, on verra bien, suivant les personnes qui voudront bien s'en occuper aussi. Moi, je suis partie prenante, parce que c'est moi qui ai lancé ça. J'aimerais bien développer un peu plus ça. C'est pas m'arrêter, au contraire, c'est développer plus. Après, ben, faut trouver les personnes avec qui on puisse porter les projets, s'épauler. Parce qu'on a besoin de s'épauler pour ce genre de truc aussi. Voilà, donc on verra si là-dessus, comme pour la ferme, s'il y a des gens qui s'intéresseraient plus vivement de ça. Quoi. Ben, j'espère pour vous hein, que ça. Ben, c'est comme si vous trouviez aussi des plans B pour faire vivre un peu le lieu, l'endroit, la région. Ça donne cette impression-là. C'est comme, tu parles d'un développement économique, mais ça fait aussi penser à un développement de l'âme, quoi, du cœur. Voilà, il y a quelque chose qui se passe ici, dans le bled, quoi, parce que sinon, c'est mort. Quoi. Donc, c'est ça aussi que ça raconte. Ce n'est pas simplement un développement économique. C'est sûr que ça en fait partie, mais voilà. Mais j'avais aussi envie de parler de ton champ de chanvre. Mais évidemment, du coup, je comprends mieux comme les gens te connaissent ici au pays. Bah, du coup... T'as pas de problème avec tes champs de chanvre, parce que j'imagine que n'importe qui peut pas faire pousser ça ici. Comment ça se passe, ça? Bah, pour la culture du chanvre, c'est tout simple. Hein. On peut pas implanter du chanvre sans avoir un contrat. Donc, parce que la graine, on est obligé d'acheter la graine, on ne peut pas la faire nous-mêmes, ce qui est un peu scandaleux, mais bon, c'est comme ça. Donc, en fin de compte, c'est un cadre très, très restreint. Où la culture du chanvre, on a un contrat, on s'approvisionne en graines certifiées, et donc prévues pour la culture du chanvre. Et donc après, les terres sont déclarées en tant que telles en chanvre. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de... Et éventuellement, oui, des fois, il y a la gendarmerie qui passe voir les champs s'il n'y a pas quelqu'un qui en prend, mais bon... Les graines sont sélectionnées pour le taux de THC où il n'y en a pas, ou peu. Les modifier, alors je ne sais pas trop le procédé, je ne connais pas bien le procédé, mais en tout cas, je sais qu'elles sont traitées pour ne pas avoir de taux de THC important. Il y en a peut-être un petit peu, mais donc, en fin de compte, cette plante-là, elle est, je dirais, aussi facile qu'une autre à mettre en place, puisque elle est réglementée, elle est bien cadrée. Donc, voilà, nous, on le fait, je ne sais pas si on continuera à l'avenir, mais parce qu'on est plutôt parti sur le sarrasin à l'avenir. Et c'est une culture intéressante, et puis c'est pour faire de l'huile pour la graine et l'isolation pour la paille, quoi. Donc ça correspond, la maison en paille qu'on a faite, la couverture est faite en isolation de chanvre et la dalle aussi, donc, et certains murs. Même. Donc on a aussi allié par rapport à ça aussi un choix de construction, et on compte en réutiliser à l'avenir. Donc voilà, le chanvre étant une culture très, très réglementée. Quoi. Donc, J'adore comme tu dis ça, c'est très très réglementé. Je veux dire, c'est quand même, c'est fou. Enfin, moi, je suis impressionnée de voir des champs comme ça, de chanvre, et tu n'as aucun problème, quoi, quelque part. Tu as des bons appuis derrière toi, parce qu'on pourrait t'ennuyer facilement. Quoi. Ben non, parce qu'à partir du moment où la culture elle est reconnue en tant que telle, on n'a pas à se poser de questions. Je peux pas implanter du chanvre si j'ai pas un contrat. J'ai pas le droit, par exemple, je pourrais garder de la graine d'une année sur l'autre. Là je pourrais t'embêter. Là on m'embêterait parce que il y aurait un contrôle, voilà. Comme on fait, de toute façon, nous on prend envie de se mettre dans l'illégalité par rapport à ça. Il y a autre chose à faire de plus intéressant. Et la culture du chanvre, non, elle est. C'est même pas des appuis, c'est une culture qui est reconnue et en tant que telle, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est une culture qui était très faite dans les générations d'avant. Hein. Bon, je ne dis pas qu'ils ne fumaient pas non plus, mais c'était une culture qui était en Bretagne. Le chanvre pour le textile se faisait beaucoup. Tous les chemises en chanvre et les draps en chanvre ou en lin, il y avait le chanvre et le lin, c'était beaucoup fait avant. En Bretagne. Donc voilà. Après, non, il n'y a pas. Sauf si on se met notre propre semence et qu'on ne déclarerait pas les cultures. Quoi. Bon, là, je pense qu'effectivement, très vite, on serait, à mon avis, très vite. Pour vous donner un exemple, le chanvre qu'on a, la graine qu'on achète, on est obligé d'expédier les étiquettes collées sur les sacs. On est obligé de les expédier à la DDTM, qui est la direction de l'agriculture. Quoi. Donc ça montre aussi que c'est quand même, on va dire, fliqué. Ah bah oui, mais de toute façon, toute l'agriculture est fliquée quelque part. Hein. C'est pas que le chanvre. Oui, mais disons que la culture du chanvre, c'est un peu différent, mais l'agriculture aujourd'hui, elle est soumise. Elle est même pas, je sais même pas si... Elle est fliquée, elle est surtout soumise aux pressions des lobbies, et notamment des lobbies chimiques. Et nous, qui sommes en bio depuis longtemps sur la ferme, on a compris ça. C'était un des éléments qu'on a voulu mettre en avant tout le temps, en disant il y a la santé des gens, il y a la santé de la planète, mais il y a aussi la dépendance. Être dépendant des firmes chimiques, et que ce soit pour les semences ou pour tout le reste, c'est un danger pour l'agriculture. C'est le fait d'être militant paysan, ça m'a permis de découvrir aussi ça très vite, très jeune. Très jeune, en disant, ce qu'on fait, c'est faut changer vite l'orientation de la ferme parce que ça ne nous convient pas. Donc, on a commencé les premières terres en 1980 en bio. Donc, qui fait que... C'est une suite logique après dans les prises de conscience et dans les démarches qu'on peut engager. On fait des choix en fonction de ça et on n'y déroge pas, parce qu'il y a aussi des gens qui passent en bio aujourd'hui. Ils n'ont pas la motivation du bio, mais ils ont une motivation parce qu'ils ne savent plus comment faire pour s'en sortir. Et ça, c'est pas bon. On ne fait pas la bio parce que c'est payé plus cher le litre de lait ou le kilo de céréales. On fait la bio parce qu'on y croit, parce qu'on va s'y impliquer, parce qu'on sait ce que ça représente, la bio. On on sait qu'on va nourrir la population d'une manière beaucoup plus saine. On sait que on va être moins dépendant, voire pas dépendant du tout des semenciers ou des firmes chimiques. Tout ça, c'est des éléments qui sont importants à prendre en compte quoi, dans la démarche. Donc, mais soumise, ouais. Plutôt, je crois que l'agriculture, elle est plutôt soumise aujourd'hui. Hein. C'est un peu, hormis quelques cas, évidemment, il y a toujours des gens qui tirent l'épingle du jeu. Hein. Les céréaliers, pour une bonne part, hein, ont su bien profiter des réformes successives de la politique agricole commune de l'Europe, où ils ont tiré grand profit. Les gens, ils ont construit beaucoup d'appartements et tout avec l'argent des primes reçues par par l'État via l'Europe. Donc là, effectivement, ceux-là, eux, et qui font n'importe quoi d'ailleurs. Souvent, très souvent, ils n'ont aucune conscience des dégâts qu'ils peuvent faire en utilisant les produits chimiques. Et c'est une catastrophe. À ce niveau-là, c'est une catastrophe voulue, peut-être pas comme ça, mais en tout cas, c'est ce que ça représente aujourd'hui sur le monde paysan et le monde rural. Parce qu'aujourd'hui, on est tellement plus nombreux que dans les campagnes, il y a plein de gens qui habitent qui ne sont pas paysans. Donc, et en plus, on ne les respecte pas. Quoi. Donc ça, c'est aussi grave. Les gens qui utilisent des produits chimiques au ras des maisons. Quand on sait ce que ça représente, ces produits, donc il y a danger. Il y a aussi danger là. La France étant le troisième pays au monde à utiliser plus grand utilisateur de produits chimiques. Donc ça montre aussi le niveau. Voilà. Ok, on va terminer. Je te laisse les mots de la fin. Peut-être expliquer si jamais les gens sont dans le coin en Bretagne, qui peuvent venir faire un tour par chez toi. Ça, c'est la ferme de... Tu peux donner le nom ? Ah oui, bah alors ça c'est avec plaisir, évidemment que nous on accueille. Hein, on est très ouvert à l'accueil des personnes. On a la ferme, ça s'appelle la ferme de Bellevue. Alors, on l'a mis un petit peu en breton pour que si parce que on l'appelle la Tiferme Bellevue. Pour les aspects culturels, on a moi, je ne m'occupe pas d'Internet, mais les gens l'ont mis en place. Il suffit de taper au marché de Bellevue et vous avez les programmations de l'été, donc dans l'aspect culturel. Et puis, autrement, la vente de fromage, c'est le marché de Sarzeau. Donc, on est très local parce qu'on reste sur Sarzeau. Donc, on vend vraiment notre fromage sur notre commune, deux fois par semaine, toute l'année. Et puis, l'été, un petit peu plus, mais voilà. Donc, on est vraiment facile à trouver. La Tiferme Bellevue est connue aujourd'hui assez pour ne pas vous perdre en se renseignant et ce sera avec plaisir qu'on vous accueillera. Voilà, je pense que j'ai à peu près dit l'essentiel. Ben, merci à toi. C'est comment ton prénom encore ? Didier, Didier. Didier. Merci à toi. Don't worry.